14 et 7, observation, réaction à un compliment. C'est gentil, mais tu exagères. Tu es gentil, mais tu dis ça pour me faire plaisir. Tu es gentil, mais je ne te crois pas. Vous êtes bien gentil de dire ça, mais je ne sais pas si je dois vous croire. Vous êtes bien gentil de dire ça, mais je n'ai aucun mérite.